J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile de livrer nos peines et nos cris. Et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit. On se laisse aller sur le papier et on emploie trop de métaphores. Pourtant je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thème. D'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyrics pleins de vie avec des rimes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi. C'est peut-être un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'écris avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi tu dis que la vie est dure et au fond de moi je pense pareil. Mais je garde les idées pures et je dors sur mes deux oreilles. Évidemment, on marche sur un fil, chaque destin est bancal, et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. On t'a pas vraiment menti, c'est vrai que parfois tu vas saigner, mais dans chaque putain de vie, y'a tellement de choses à gagner. J'aime entendre, raconter, j'aime montrer, j'aime voir, j'aime apprendre, partager, tant qu'il y a de l'échange, y'a de l'espoir. J'aime les gens, j'aime le vent, c'est comme ça, je joue pas un rôle. J'ai envie, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai hâte, j'ai faim et j'ai la gaule. J'espère que tu me suis, dans ce que je dis, y'a rien de tendancieux. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. C'est pas une religion, c'est juste un état d'esprit. Y'a tellement de choses à faire et ça maintenant je l'ai compris. Chaque petit moment banal, je suis capable d'en profiter. Dans la vie j'ai tellement de kiff que je pourrais pas tous les citer. Moi en été je me sens vivre, mais en hiver c'est pareil. J'ai tout le temps l'œil du tigre et je dors sur mes deux oreilles. Je me sens pas le plus chanceux, mais c'est pas moi le plus à plaindre. Et j'ai compris les règles du jeu, ma vie c'est moi qui vais la peindre. Alors je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. Moi quand je regarde par la fenêtre, je vois que le béton est en fleurs. J'ai envie d'être au cœur de la ville et envie d'être au bord de la mer. De voir le delta du Nil et j'ai envie d'embrasser ma mère. J'ai envie d'être avec les miens et j'ai envie de faire des rencontres. J'ai les moyens de me sentir bien et ça maintenant je m'en rends compte. Je voulais pas écrire un texte, petite maison dans la prairie. Mais j'étais de bonne humeur et même mon stylo m'a souri. Et puis je me suis demandé si j'avais le droit de pas être belle, d'écrire un texte de slam pour affirmer que la vie est belle. Si tu me chambres, je m'en bats les reins, parfois je me sens inattaquable. Parce que je suis vraiment serein et je suis pas prêt de péter un câble. La vie c'est gratuit, je vais me resservir et tu devrais faire pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles. La vie c'est gratuit, je vais me resservir et ce sera tout le temps pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles.